sur le centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18. Aujourd'hui, 3 décembre 1951, centième anniversaire du journal des Goncourt, notre académie a décerné son 49e prix au rivage des Sirtes de Julien Gracq par 6 voix au premier tour. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Cette semaine a été celle des prix littéraires. Leur importance dans l'attention publique depuis le début du XXe siècle au moins est une spécificité française. On n'a jamais cessé, et dès les origines, d'en critiquer abondamment de divers côtés le principe, le mécanisme, les effets, et rien n'est plus légitime ici comme ailleurs que de juger les juges. Cependant, sous la lumière de la longue durée, on est porté, par-delà la litanie des passions et des anecdotes, à ratifier l'opinion de l'une des éditrices les plus respectées de la place, je veux dire Teresa Crémisi. La fébrilité saisonnière que font naître les prix de l'automne et qui est propre au paysage intellectuel de notre pays crée, je la cite, « un bouillonnement, une effervescence très bénéfique pour les livres ». Voilà bien ce qu'il va nous falloir ce matin examiner de près en remontant au moins jusqu'à la naissance du Goncourt en 1903. Je ne conçois pas d'invité plus avisé à cette fin que Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui a publié bon nombre d'ouvrages excellents sur l'histoire du livre et de l'édition. Sa réflexion s'y attache toujours à considérer simultanément les dimensions culturelles et sociales des questions qu'il envisage, ce qui est de bonne méthode. Et pour commencer, voici une réunion des jurés du prix Goncourt le 7 décembre 1953. Nous avons retrouvé ce matin même, 7 décembre, les académiciens chez Drouhan pour l'épreuve finale. Quelques minutes avant le vote, nous avons pu obtenir d'eux les déclarations que voici. Dans l'ordre du reste immuable, où ces messieurs étaient assis à table pour le vote. Roland Dorgelès, vice-président de l'Académie Goncourt. Nous sommes autour de cette table une réunion d'amis. Nous ne nous disputons qu'une fois par an, le jour du prix. Pierre Macorlan. Tout de même, ce qui m'a paru surprenant, c'est cette très grande conscience professionnelle. N'est-ce pas ? Et ça doit tenir à cette grandeur et à cette servitude de l'argent. C'est que l'argent, c'est quelque chose. Et tout de même, nous savons tous qu'en 2 ou 3 ou 2 minutes ou 1 quart d'heure, nous pouvons changer la destinée de quelqu'un. Le lundi, il était dans la misère. Le mercredi, il peut toucher 5 ou 6 millions. Philippe Heria. Nous sommes ici 10 écrivains qui, une fois par an, avons le sentiment de passer un examen devant l'opinion. Francis Carco. Bon, ben ça va pour cette année, à l'année prochaine. Armand Salacrou. Je suis encore plus inquiet que les candidats qui attendent notre vote. Raymond Queneau. Il serait souhaitable que le public suive aussi nos délibérations et même qu'il conteste notre goût et notre choix en prenant connaissance des autres romans qui ont été signalés au cours de ces derniers mois. Alexandre Arnoux. Le prix Goncourt est toujours un cas de conscience pour moi, mais cette année plus que jamais, parce qu'il y a eu beaucoup de livres, et parmi ces livres, il y en a eu beaucoup de bons et 3 ou 4 d'excellents. André Billy. Eh bien, je vois arriver avec plaisir la fin de ce supplice épouvantable, n'est-ce pas, qui s'appelle... Pour moi, du moins, le prix Goncourt. Et Gérard Boer, secrétaire de l'Académie Goncourt. Eh bien, je pense à tous les écrivains qui n'auront pas le prix. On a beaucoup dit que le prix constituait une injustice. Je ne le pense pas, car dans la vie littéraire, sans le prix Goncourt, on aurait peut-être beaucoup moins parlé de tous ces écrivains qui n'auront pas le prix, mais sur lesquels l'opinion, la critique et nous-mêmes, nous nous sommes arrêtés avec intérêt. Jean-Yves Mollier, bonjour. Bonjour. Les voilà, neuf, en tout cas neuf, puisqu'il manque la seule femme du jury à l'époque, en 1953, qui est Colette, qui mourra l'année suivante. La première femme aussi qui a été choisie comme membre du jury. Et qui, d'une certaine manière, marque aussi le changement, puisque trois écrivains membres du jury Goncourt, qui avaient été accusés de collaboration, ou en tout cas d'accommodement avec l'Allemagne nazie pendant l'occupation, ont été mis sur la touche et le prix Goncourt, en quelque sorte, a voulu montrer qu'il était capable de s'adapter. Et le choix d'une femme comme Colette a évidemment un sens, puisque Colette était mariée à un Israélite. Par conséquent, il y avait là une véritable réparation. Cette importance des prix que nous avons constaté une fois de plus cette semaine est une spécialité française, même une exceptionnalité française, non ? Oui. Il existe des prix dans la plupart des pays, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre ou en Belgique ou en Espagne, en Italie. Mais la France possède plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de prix littéraires. Et il y a là une véritable spécificité qui a démarré, on le sait bien, avec la naissance du prix Goncourt en 1903, mais qui ensuite s'est multiplié et même démultiplié avec l'apparition du Femina, du Renaudot et de bien d'autres prix. C'est une spécificité parce que probablement la France demeure, au fond, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, une nation littéraire. Il suffit de se promener dans les rues, comme l'a montré une sociologue américaine, Priscilla Ferguson, pour constater que nos rues portent des noms d'écrivains. Il suffit de regarder les timbres que nous mettons sur les enveloppes pour constater que là aussi, il y a des écrivains qui nous servent pour envoyer de la correspondance. Sur le fait même des prix, est-ce qu'on ne peut pas rattacher cette pratique à peut-être notre type d'enseignement scolaire ? Cela remonte, vous le disiez, au début du XXe siècle, mais dès le XVIIe siècle, Furetière signalait des prix d'éloquence et des vers de l'Académie française. On pourrait même remonter à l'Antiquité, puisqu'il y a des prix aux Jeux olympiques et aux autres Jeux de la Grèce. Tout à fait, mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'en France, l'école est évidemment à la base même de ce qu'on appelle la littérature classique. Les écrivains que l'on considère comme des classiques, c'est ceux que l'on a étudiés dans les classes. Et on peut remonter aux jésuites, au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui vont effectivement instituer des prix. Prix d'éloquence, prix de grammaire latine, de thème latin, etc. Nous avons connu ça il y a un certain nombre d'années. Ces prix, insensiblement, ont habitué effectivement les Français à l'idée que la littérature, permettait de dresser des lauriers, les lauriers des écrivains. J'ai envie de citer un autre écrivain qui a participé à un prix, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau l'a répété, il allait voir son ami Diderot prisonnier à Vincennes et sur le chemin lui est revenu le prix que l'Académie de Dijon avait mis au concours de l'origine de l'inégalité parmi les hommes qui donnera un très grand texte de Jean-Jacques Rousseau. On est là dans les années 1750. Oui, c'est une pratique des sociétés littéraires, des académies locales ou régionales que de distribuer des prix. C'est un élément important de l'essor des écrivains des Lumières. Mais en même temps, il est vrai que la naissance du prix Goncourt en 1903 marque quand même une rupture. Il y a à la fois une continuité et en même temps une véritable rupture. Tout simplement parce que en 1903, on est à un moment en France où les industries culturelles se sont mises en place. Et elles changent tout. Cela veut dire qu'il y a de grandes maisons d'édition, notamment la librairie Hachette, qui est tout à fait atypique, qui est déjà propriétaire de messagerie, qui est propriétaire de tout le système des relais dans les gares. Ça ne s'appelle pas encore des relais, mais évidemment, c'est le système d'achat des livres dans les kiosques ou bibliothèques de gare. Il y a aussi Calmann-Lévy, Hetzel. Et puis Dantu, Garnier et bien d'autres maisons d'édition. Et il y a aussi des maisons d'édition populaires. On est donc à une époque où les écrivains considèrent que par rapport aux dangers que représentent les industries culturelles, et notamment l'industrie de l'édition, il faut réagir. Et les frères Goncourt ont été parmi les premiers sous le Second Empire à vouloir réagir contre cette situation. Il y a un livre fameux de Paul Bénichoux qui s'appelle « Le sacre de l'écrivain ». Il fait remonter ce sacre, en fait, à la période de la Restauration ou de la Monarchie de Juillet, bien avant le début du XXe siècle. Donc, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle il a fallu plus d'un demi-siècle pour que cette réaction contre un pouvoir jugé parfois excessif dans la dialectique particulière, dans le commerce qui existe au sens du XVIIe siècle, le commerce entre l'écrivain et l'éditeur, que cette dialectique appelle l'écrivain à réagir. À l'époque dont parle Bénichoux, les années 1770 à 1820, l'industrie de l'édition n'existe pas. Même si les méditations de Lamartine en 1820 sont vendues à 20 000 ou 30 000 exemplaires, cela enrichit certes son éditeur, mais il n'y a pas encore d'industrie de l'édition. Cette industrie de l'édition, c'est vraiment au début du Second Empire qu'elle se met en place. On peut même donner une date, mars 1853, lorsque la librairie Hachette ouvre le premier kiosque de gare à la Gare du Nord à Paris. Et cela va aller crescendo dans les années 1850-1870 pour arriver au lendemain de la naissance du prix Goncourt 1904-1905. L'éditeur Artem Fayard crée deux collections de livres qui introduit à l'ère des 100 000, l'ère des grands tirages. Le livre populaire, la collection porte ce nom et elle dit bien son nom, à 0,65 francs, 13 sous de l'époque, elle couronne en 1905, elle prend comme numéro 1 Charles Mérouvel, Chaste et Flétry. C'est l'industrie de la littérature sentimentale qui se met en place. Les bibliothèques de gare, à cet égard, c'est une création très très importante, celle qu'on appelle aujourd'hui du nom affreux de relais avec un Y, protestant. Et on a même parlé à l'époque de Guy Descart de littérature de gare. Les Goncourt, donc, d'une certaine manière, sont l'antidote. Et leur prix est destiné à récompenser, en 1903, un jeune écrivain, donc un débutant, et plutôt un romancier, par opposition à la tradition littéraire, c'est-à-dire à la poésie. Alors, il faut que nous braquions un instant notre attention, Jean-Yves Mollier, sur cette naissance du prix Goncourt en 1903. Elle est pleine de couleurs et même de pittoresque. Il faut comprendre que c'est un héritage, comme son nom l'indique, des deux frères Goncourt, enfin de Jules Guerre, puisqu'il est mort en 1870, mais de son frère qui a survécu et qui a maintenu le journal des Goncourt et qui a eu l'idée, avant sa mort, de faire un testament fondateur et essentiel. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit donc de créer, par dotation financière, avec la fortune, avec l'héritage des frères Goncourt, mais essentiellement d'Edmond Goncourt, une somme va permettre effectivement à des écrivains de se réunir chaque année et de primer le jeune romancier qui leur paraîtra le plus important ou le plus prometteur. Ces écrivains sont parmi les plus grands, puisque effectivement, dans ceux qui ont été pressentis, il y avait Zola, il y avait Mirbeau, il y avait Daudet, enfin, il y avait des écrivains extrêmement connus. Ça a été plusieurs fois modifié, évidemment, en fonction des décès, en fonction également des amitiés et des inimitiés, mais lorsque ce prix se met en place en 1903, il s'agit bien d'introduire une rupture avec le système des prix, y compris avec le système de l'Académie française. Elle couronne essentiellement des poètes, ou bien elle couronne des dramaturges, mais elle ne couronne certainement pas des romanciers. On peut même dire d'abord contre l'Académie française, d'abord en différence. Absolument, contre l'Académie française, et je le répète, en couronnant un romancier. C'est pourquoi, même si le nom va étonner aujourd'hui, c'est John Antoine Nau qui va obtenir en 1903 le premier prix Goncourt avec un roman dont il vaut bien le dire, la plupart d'entre nous ne l'avons jamais lu, Force ennemie. C'est l'histoire d'un retardé mental. Exactement. Mais il faut admettre que les jurés ont fort à faire puisqu'au fond, on leur propose des dizaines et des dizaines de manuscrits et ils doivent essayer de repérer ce que l'avenir, en quelque sorte, couronnera. Oui, ça c'est un jeu, évidemment, auquel on se livre volontiers après coup. Mais alors, peut-être un peu facile, c'est d'aller dire, voilà, vous êtes complètement trompé, vous avez choisi un jour Marjorie contre Beckett, par exemple. Bien sûr, mais on peut en même temps constater qu'après tout, en 1919, c'est Marcel Proust, avec « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui a obtenu le prix Goncourt, qu'en 1933... Contre Dorgelès. Qu'en 1933, c'est André Malraux avec « La condition humaine », et donc on peut dire aussi, ou même plus près de nous, en 2006, avec Jonathan Little pour « Les bienveillantes », on peut constater aussi que le prix Goncourt a couronné de très grands romanciers. Il y a un épisode assez curieux, c'est celui qui est rattaché à la protestation des neveux des Goncourt, qui disaient « L'argent, ça nous revient », et on voit Raymond Poincaré, avocat, homme politique en plein essor, qui va plaider pour les Goncourt et qui va gagner le procès. Oui, parce qu'on ne le sait pas assez. Parmi la panoplie, en quelque sorte, de l'avocat Raymond Poincaré, il était l'avocat de la Société des gens de lettres, très au fait de la vie littéraire, et il a mis son point d'honneur, en effet, à faire en sorte que le testament des frères Goncourt soit honoré, et que par conséquent, les ayants droit naturels, biologiques, si je puis dire, n'aient pas leur mot à dire, puisqu'il y avait un testament qui, juridiquement, était inattaquable. Quasiment dès l'origine, dès l'apparition du prix Goncourt, s'élèvent des protestations des différents côtés en expliquant que les jurés sont soumis à des influences éditoriales qui les empêchent d'avoir un jugement vraiment libre et ça va durer jusqu'à nos jours. Je voudrais vous faire entendre un avis contraire pour ne pas colorer cette émission exclusivement de sombre ou de, pour pas imaginer que tout est toujours stratégie obscure et dissimulée. Écoutons Armand Lanoux, qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt, qui s'exprime ici dans Interactualité le 12 novembre 1975. Il me semble que son propos mérite d'être écouté et sûrement commenté, Jean-Yves Mollier. Je demande à l'auditeur de se mettre à ma place. Il devient brusquement juré d'un grand prix littéraire. Eh bien, cet auditeur ou cette auditrice, ils ont des amis, ils ont une famille, ils lisent des journaux, ils lisent la presse, ils écoutent la radio, ils regardent la télévision. Est-ce que vous n'imaginez pas la quantité de pression que vous allez subir, indépendamment de celle de l'éditeur que vous avez ou des éditeurs que vous avez ? Parce que certains d'entre nous ont plusieurs éditeurs, et déjà, entre eux, se fait une certaine neutralisation. Le groupe en question qui nous persécute de ses insultes, de ses barbouillages, de ses menaces et de ses cocktails Molotov, ce groupe-là fait une pression éhontée sur nous, puisqu'il est dans le Figaro même, il nous dictait le Goncourt que l'on devrait donner cette année. Et il y en a de toute nature, comme dans toute vie humaine. C'est donc de l'intoxication. C'est tout un système psychologique, littéraire, d'école, de goût littéraire, d'intérêt de maison d'édition, et puis d'affection. C'est tout un environnement dans lequel il faut essayer de défendre son indépendance et son goût personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos, Jean-Yves Mollier ? Avant de vous répondre, je vais vous proposer une citation de Françoise Verny, dont on a longtemps dit qu'elle était une faiseuse d'écrivains. C'est elle qui aurait repéré Yann Kefelec en lui disant qu'il a une gueule d'écrivain et qu'il l'aurait aidé à peaufiner en quelque sorte ses manuscrits. Est-ce que par hasard vous allez nous donner ce propos parce qu'il est en assez violent contraste avec celui d'Armand Lanoux ? Exactement. Françoise Verny, dans ses mémoires, fait le portrait d'Yves Berger, qui a longtemps été considéré comme le principal faiseur de rois à l'occasion des prix littéraires. À côté d'elle-même, qui était assez efficace aussi. Exactement. Et voici comment elle le décrit. Son domaine, ce sont les coups, et avant tout les prix littéraires. Il déploie durant l'année une stratégie qu'il rend particulièrement offensive entre septembre et novembre, ces grands mois. Il manifeste de vrais talents de chef de guerre. Après consultation auprès de certains jurés, il voit quels sont les auteurs qui peuvent porter les couleurs de la maison et il fonce alors dans la bataille. Il emploie d'ailleurs des termes militaires au cours de ses opérations. Alors, si on regarde la statistique, je m'y suis amusé en regardant les 100 premiers prix Goncourt de 1903 à 2002. Feu, allez-y. On constate que Gallimard en a obtenu 33 et Grasset 16. Manifestement, c'est plutôt Françoise Verny qui aurait raison. Mais le point de vue d'Armand Salacrou est parfaitement défendable. Ce qui est vrai, au-delà de la légende, c'est qu'au lendemain même de la création du prix Goncourt en 1903, le deuxième prix qui va apparaître dans l'arène littéraire, à savoir celui qu'on appellera le prix Fémina, mais qui s'appelle encore le prix Vie Heureuse, est créé par un comité d'écrivaines, de dames, évidemment, qui écrivent. Écrivaine, c'est une formule qui est un peu anachronique. Absolument, qui est totalement anachronique, mais qui aujourd'hui fera plaisir à nos auditrices, du moins à celles d'entre elles qui souhaitent que l'on féminise les noms qui s'y prêtent. En 1904, en effet, c'est la librairie Hachette qui quand même est derrière la création du prix Vie Heureuse qui deviendra en 1919 le prix Fémina. Et j'ajouterais que dès 1922, Bernard Grasset va créer un faux prix, le prix Balzac, qui est destiné à récompenser uniquement les auteurs de la maison Grasset. Mais qui ne dure que très peu de temps. Qui ne dure que très peu de temps, exactement comme le prix des lecteurs de René Julliard. Cette fois-ci, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Au début des années 1950, Julliard, qui a obtenu, je dirais de façon naturelle, le Goncourt en 1946 et 1948, voit le Goncourt lui échapper au début des années 50. C'est de nouveau Gallimard qui l'obtient. Alors, il crée son propre prix. Le prix Fémina, il ne devient prix Fémina que 20 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'il a subsisté, à la différence de ceux que vous venez d'évoquer ? Alors, le prix Fémina a subsisté parce que c'est un excellent prix, en ce sens qu'il a été institué pour récompenser essentiellement des femmes et montrer qu'en effet la littérature n'est pas simplement une affaire d'hommes mais également de femmes. Et pourquoi porte-t-il le nom de prix Fémina ? On a réuni en 1919 deux revues, Vie Heureuse et Fémina, et donc il a conservé le deuxième. Non, c'est un prix extrêmement important, de la même manière que le Médicis, qui est né en 58 lui aussi en réaction aux autres. On voit bien comment il y a une sorte de dialectique, de jeu, des allées et des retours entre ces prix. Oui, mais on voit comment leur naissance est significative d'un moment d'une spécifique, d'une conjoncture. Effectivement, le Prix Médicis, fin des années 50, c'est le moment du nouveau roman. On estime qu'on est les auteurs du nouveau roman, qui sont regroupés au moins provisoirement sous ce nom, Butor, Ollier, Claude Simon, Nathalie Sarraute, s'estime, ou Claude Mauriac, s'estime mal jugé par les faiseurs de prix et de renommée. Oui. Il y a une autre constante que nous montre la statistique que j'évoquais il y a un instant. Si l'on regarde effectivement le temps nécessaire pour qu'une maison d'édition obtienne le prix Goncourt, c'est 25 ans. Alors précisément au début des années 1950, il est impossible pour les jeunes éditions de minuit d'espérer obtenir le prix Goncourt. Il y a là quelque chose quand même qui est tout à fait étonnant d'un certain point de vue et qui conforte quand même les critiques des prix qui constatent que même si les prix ne récompensent que les écrivains, au-delà d'eux, il y a bien derrière eux une écurie, on pourrait presque dire avec Yves Berger, une armée qui se met en campagne pour essayer de gagner la guerre. On est là dans des termes qu'utilisent d'ailleurs les écrivains lorsqu'ils décrivent la stratégie. Je pense d'ailleurs à cet étonnant poète Fernand d'Ivoire, sociologue dans la lettre, qui en 1912 écrit « Introduction à l'étude de la stratégie littéraire ». Il est extrêmement prémonitoire celui-là. Il est prémonitoire et il est diabolique, car sa première édition, je l'ai longtemps cherchée, elle n'existe pas. Il avait fait imprimer directement deuxième édition, pour montrer qu'il connaissait effectivement toute la cuisine littéraire. Et il explique comment on fabrique un prix, comment il faut créer une revue, comment il faut avoir des amis plus âgés, il faut avoir des amis riches. C'est un livre très drôle, disponible aujourd'hui, on peut encore le trouver et le lire. On l'a réédité, troisième édition. On l'a réédité, et puis il a même été réédité dans les années 2000. Ce livre montre effectivement que, d'une certaine manière, la cuisine littéraire, la foire sur la place, pour parler comme Romain Rolland, existe depuis très longtemps. Je pense aussi à la pièce de théâtre d'Édouard Bourdet, « Vient de paraître », qui mettait en scène deux éditeurs, évidemment, Grasset et Gallimard, chacun ayant reconnu l'autre. Mais au-delà de tout cela, demeure la littérature. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, y compris quand on prend le parti, au fond, en quelque sorte, des anti-juges ou de ceux qui jugent les juges. Il faut quand même admettre que ces prix permettent aux Français et aux Françaises de continuer à vouloir acheter des livres, à vouloir acheter les romans de la rentrée, à vouloir connaître la littérature des jeunes auteurs. Car c'est ça aussi qui est souvent récompensé à cette occasion. C'est d'ailleurs l'idée de base, c'est l'idée des Goncourt dans leur testament. Que ce me soit aussi l'occasion de rappeler que Marguerite Yourcenar, dont la voix s'entend à la fin de notre générique, a obtenu pour L'œuvre au noir en 1968 le prix Femina. Notre émission s'en réjouit. Bien sûr, et elle a été la première femme à entrer à l'Académie française, qui est évidemment l'autre académie, Colette à l'Académie Goncourt et Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Ce qui est assez curieux, c'est la manière dont les prix en suscitent d'autres régulièrement. Vous évoquez Médicis à la fin des années 50, mais il y a aussi le prix Renaudot en 1925, qui naît un peu par hasard, un peu comme une blague de potache, avant de devenir à son tour une institution, nous l'avons vu encore cette semaine, une institution reconnue et un prix convoité. Écoutez la manière dont Georges Charansol, qui était jeune journaliste à l'époque, Charansol, c'est qui avait participé notamment dans Dialoguant avec Bory au Masque et la Plume, les auditeurs de France Inter se le rappellent, le 7 juillet 1989, dans Avoué nu, il est interrogé par Jérôme Garcin, qui est aujourd'hui titulaire de la chaire du Masque et la Plume. Il est interrogé dans Avoué nu. Georges Charansol raconte la création du prix Renaudot en 1925. À cette époque-là, les Goncourt étaient extrêmement divisés, en particulier à Léon Daudet. Et il est évident que les délibérations étaient très longues. Et nous, jeunes journalistes, naturellement, on arrivait chez Drouan vers midi, à 1h30, ils étaient encore en train de s'engueuler. On en avait marre. En 1925, je dis à mes camarades, écoutez, on va faire une chose très simple, on va déjeuner ensemble à 11h, on sera tranquille, après l'après-midi, on pourra aller à la recherche du lauréat, faire nos papiers, etc. Et les camarades à qui je fais cette proposition, l'ont trouvée excellente. Gaston Picard, parce qu'il faut quand même être juste, a dit « Mais pourquoi est-ce que nous ne décernerions pas nous aussi un prix ?» Je lui ai dit « Je ne suis pas contre ton idée, mais à une condition, c'est que ce soit un prix à la blague. Nous n'allons pas essayer de rivaliser avec les Goncourt, nous, jeunes journalistes, faisons après la blague, on va rigoler, on va essayer de trouver un bouquin marrant, etc. Donc on se réunit et on a quelques rencontres et on décide que le premier prix Théophraste Renaudot sera décerné en décembre 1926. Et il se trouve, malheureusement, que cette année-là, on a beau chercher, on ne trouve pas de livre correspondant à la conception que j'avais imposée. En revanche, nous sommes tous emballés par le premier livre d'un jeune professeur du lycée de Monte-Carlo qui s'appelait Armand Lunel et qui avait écrit un livre, Niccolò Peccavi ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, que nous avions trouvé un livre plein d'esprit, plein de vivacité, d'originalité, et nous avons viré de bord. Nous avons dit, voilà un garçon inconnu, on va lui donner un coup de pouce, on va lui donner le prix. Et nous étions pris à notre piège. Nous étions foutus. À partir du moment où nous avions couronné un bon livre, nous ne pouvions plus revenir en arrière. Ça aurait été désobligeant pour lui. Je pense que le témoignage de Georges Charansol est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il s'agit de journalistes, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait plutôt des critiques littéraires. Des gens qui connaissent parfaitement, effectivement, la littérature, qui d'ailleurs passent leur temps à lire tout ce qui paraît, qui reçoivent en service de presse, avant même que les livres soient dans les librairies. Peut-être plus encore que les jurés, d'ailleurs. Oui, absolument. Et qui donc ont un sens extrêmement aiguisé de ce qu'est la littérature et même des mutations de la littérature. Et à certains moments, ils considèrent qu'au fond, les jurys ne remplissent plus le rôle qui leur a été dévolu. Et donc, en quelque sorte, c'est eux, les journalistes, qui vont juger les juges et devenir à leur tour des juges. Il y a là, effectivement, des allers-retours extrêmement intéressants. Cette histoire de l'extension du nombre des prix, dont plusieurs, nous le disons, ont beaucoup d'efficacité quant au rayonnement et à la vente des livres, est toujours parallèle à des critiques rémanentes. Déjà, Jules Vallès critiquait les intentions de Goncourt de la façon suivante. « Voilà que si l'on est sage, suivant l'évangile de Saint Goncourt, des prêtres rares qu'il aura nommés les visiteurs des pauvres vous donneront une récompense et signeront un bon qui vous vaudra 6 000 francs à la banque. » Et il dénonce l'Académie Goncourt comme portant une prime à la servilité que présente la pâtée des chiens aux loups, La Fontaine, qui noue son bouchon de paille à la queue des purs sangs, émascule les forts, abélardise les virils, c'est effrayant, promet le repos, la paix à qui a besoin pour avoir du feu et du sang, de traverser 1000 aventures basses ou nobles, d'avoir souffert mort et passion. Cette idée qu'il faut laisser l'écrivain dans ses difficultés matérielles et autres et qu'un appui de ce genre est finalement néfaste à son efficacité créatrice. C'est du grand Vallès, mais c'est du Vallès de l'insurgé et non pas du bachelier. C'est-à-dire le Vallès révolté, évidemment, qui n'accepte pas. C'est presque le Vallès, d'ailleurs, de la fin de la vie, l'ami de Séverine, et pratiquement allant vers l'anarchisme. En même temps, j'aurais envie de dire que Vallès n'a pas pu vivre assez longtemps pour voir la naissance du prix du roman populiste, qui lui aurait peut-être fait plaisir, puisque, au fond, ce roman populiste a récompensé, dans les années 25-30, effectivement, des écrivains qu'on appelait, entre guillemets, prolétariens, des écrivains qui venaient du peuple ou qui parlaient du peuple. Et d'une certaine manière, je pense que Vallès se serait reconnu dans ce prix, alors même qu'on l'a vu avec l'extraordinaire citation que vous avez faite, que Vallès était hostile à tout laurier, à toute récompense, de même qu'il était hostile à toute férule. Il y a un amoureux magnifique des lettres, ce vice impuni la lecture, je pense à Valérie Larbeau, qui a été très sévère à l'égard des prix. Il explique que ceux-ci s'adressent aux lecteurs les moins cultivés, que par conséquent, la reconnaissance offerte par les prix condamne le livre qui est primé, une existence chaotique, éphémère, qui dépend des caprices de l'opinion et de la mode. Il le dit clairement dans les années 1920 déjà. Et au fond, il y a 4 catégories de lecteurs à ses yeux. Il dit cela, mais c'est un peu injuste, parce que on a affaire à un esthète, à un grand écrivain, à quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement riche, et qui oublie que s'il est vrai, et on peut critiquer légitimement comme il le fait les prix littéraires, ils font lire. Claude Vichy, bien sûr, la famille Larbeau étant propriétaire. Il oublie que les prix littéraires attirent l'attention de lecteurs qui, sans cela, au fond, passeraient à côté d'un certain nombre d'œuvres, qui, grâce aux prix littéraires, ou au fait que la presse, à ce moment-là, les médias parlent de littérature, vont lire davantage. Et si, quand on regarde aujourd'hui, quel est l'intérêt, au fond, des prix littéraires? c'est effectivement au tout début du mois de novembre, eh bien, la France entière retient sa respiration, elle est tenue en haleine par autre chose au fond que l'élection américaine, hein, même si celle-ci est importante, mais par le fait de savoir qui aura le Goncourt, qui aura le Renaudot, qui aura le Fémina, qui aura le Médicis. Et après tout, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux effectivement s'interroger sur le devenir de la littérature que sur celui de Donald Trump. Mais ça n'engage que moi, naturellement. Ce propos est à opposer à ces critiques constantes que l'on retrouve. Je pense par exemple à cet écrivain Jean Carrère qui, dans une réponse à l'enquête à propos du prix Goncourt, il y a toujours eu des enquêtes, faut-il être pour ou contre, en 1906 déjà écrivait « La littérature est au-dessus de toutes les consécrations éphémères. Elle est une mission sociale et non une concurrence de cabotins affolés de publicité. Et les plus hautes émulations de la pensée humaine ne doivent avoir aucun rapport avec les estrades de comices agricoles et les défilés de bœufs gras enrubannés. » Fin de citation. On peut évidemment développer ce point de vue, on peut avoir un autre point de vue. Je pense à Madame Bovary de Flaubert. Bien sûr, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Et on peut imaginer que l'œuvre, de toute façon, aurait trouvé son public. Attention! Madame Bovary a été mise en vente dans une collection grand public. Par Michel Lévy. Par Michel Lévy. La collection Michel Lévy à 1 franc le volume, c'est-à-dire 5 euros d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si Madame Bovary avait été mise en vente dans une autre collection, l'œuvre se serait répandue aussi rapidement. 25 000 exemplaires en une année. Et même Flaubert, qui n'aime pas effectivement toutes les catégories de lecteurs, qui choisit délibérément d'écrire pour les lecteurs, au fond, les plus cultivés, ceux qui fréquentent effectivement son milieu. Eh bien, Flaubert a été finalement très heureux d'être lu et que les médias parlent de lui. Donc il faut faire attention, bien sûr. On peut imaginer, Malraux disait que l'œuvre d'art parle d'elle-même, mais d'autres critiques d'art développent un point de vue différent. Moi, je pense que si les prix littéraires souffrent en effet la critique, ils attirent l'attention d'un public qui n'est pas véritablement familier avec les prix. C'était d'ailleurs, au fond, le même débat que l'on avait à l'époque d'Apostrophe ou de Bouillon de culture. Est-ce que Bernard Pivot faisait vendre les livres? C'est une réalité. Oui, il aidait à les vendre. Est-ce qu'il a oublié d'inviter de bons auteurs? Naturellement. Mais il a aussi invité un certain nombre d'écrivains qui ont trouvé, grâce à la petite lucarne, le moyen de parler avec leur public et de donner envie de lire. Vous évoquez Séverine, la grande journaliste, ce qui ramène d'ailleurs à la question de la présence des femmes dans ces jurés, question dès le début. C'est Huysmans, un des membres du jury Goncourt dès le début, il disait « pas de femmes chez nous, pas de jupons chez nous ». On est là dans une ambiance qui explique, on y revient, la naissance du prix Vie Heureuse, devenu ensuite prix Fémina. C'est-à-dire que les femmes qui savent bien qu'elles sont très nombreuses dans l'écriture, beaucoup de femmes écrivent d'ailleurs à l'époque sous pseudonyme masculin. Après tout, George Sand a pris un prénom masculin, même si elle n'a pas mis d'ess parce qu'elle a préféré l'écriture à l'anglaise. George est quand même en anglais un prénom masculin. Et puis bien d'autres, effectivement, ont été obligés de se donner un pseudonyme masculin pour devenir quelqu'un par l'écriture. Donc les femmes réagissent et contre ce stéréotype, contre ce mot abominable de Huysmans. C'est Anna de Noailles, la poétesse si célèbre en son temps, si proche de grands écrivains, qui préside le prix Vie Heureuse Fémina au début. L'une des particularités de ce prix, c'est qu'il comptait un certain nombre d'aristocrates, effectivement, duchesses, comtesses, etc. Mais parce qu'on était là encore dans un entre-deux, dans une époque fin 19e, début 20e siècle, on est plutôt au tout début du 20e siècle, où la comtesse de Noailles, c'est tout un univers. On est au fond à cheval entre l'ancien monde des salons, qui dit salon pense à la grande bourgeoisie ou à l'aristocratie, et le monde de l'entre-deux-guerres, où des femmes journalistes, je pense à André Violis, une de ses plumes extraordinaires de l'entre-deux-guerres, qui deviendra un très grand journaliste, on devrait dire une très grande journaliste. Reporter. Son livre sur l'Indochine est préfacé par André Malraux. Voilà, exactement. Et en même temps, dès le début, certains approuvent la naissance de l'Académie Goncourt. Je pense à ce mot de Clémenceau qui, pour une fois, rejoint Raymond Poincaré, c'est rare, et qui dit « Affranchir d'y penser, c'est une œuvre dans un pays comme le nôtre. » D'y penser des 10 jurés. Clémenceau portant un regard lucide sur la vie à la fois littéraire et la vie politique, mais c'est vrai que la différence qu'on établirait aujourd'hui entre littérature et politique n'existe pas à l'époque. La plupart des hommes politiques écrivent des livres et pas simplement des recueils de leurs interventions. Clémenceau est un grand écrivain. Exact. Quand on le relit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a un véritable style. Il y a un très bon livre de Sylvie Brodiac sur Clémenceau écrivain qui a bien mis en lumière cela. Tout à fait. Mais c'est un trait général ou presque générique. C'est-à-dire que les hommes politiques sortent des grands lycées, ont tous fait leurs humanités et d'une certaine manière, ils se sont retrouvés avec les futurs écrivains. Je pense au lycée Condorcet à Paris qui a été un extraordinaire condensé de ces jeunes dont Marcel Proust, effectivement, dont Léon Blum. Et on a là, effectivement, l'un des personnages qui fera une carrière politique et l'autre une carrière littéraire. Mais au départ, ce sont deux lycéens de Condorcet à Paris. On est dans le même univers. Puisque vous parlez, Jean-Yves Mollier, vous parlez de Marcel Proust, cela nous conduit à l'entre-deux-guerres, qui est une période difficile parce que c'est celle où les critiques arrivent en bon nombre. Et il y a le cas particulier, néanmoins, positif avec le recul, de la victoire de Marcel Proust sur Roland Dorgelès, sur les Croix de Bois. Tout se passe comme si, après la guerre, pendant la guerre, on commence par célébrer le Goncourt, qui célèbre des prix patriotiques, puis commence d'évoluer avec le feu de Barbus. Et après la guerre, on a envie de passer à autre chose. Oui, absolument. En 1919, c'est très courageux. La Chambre des députés qui vient d'être élue est une chambre bleu horizon, tout le monde le sait, donc le bleu de la capote des poilus. Et Roland Dorgelès a toutes les chances, évidemment, de remporter les suffrages. Or, le choix des jurés Goncourt de primer Marcel Proust pour son roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » ne va pas de soi. Il nous paraît aujourd'hui, évidemment, extraordinairement pertinent, mais en 1919, il ne va pas de soi, puisqu'il s'agit, d'une certaine manière, de tourner le dos à la France patriote, à la France qui avait résisté à l'invasion allemande, de récompenser, au fond, un écrivain qui n'a pas fait la guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'arrière. Et pourtant, c'est le choix qui est fait. On pourrait trouver d'autres exemples. Vous l'avez dit, dès 1916, effectivement, Le feu de Barbus est un choix courageux, puisque même si Le feu n'est pas un roman antipatriote, c'est quand même un roman qui montre un point de vue, le point de vue de la souffrance, le point de vue des hommes. En violent contraste avec Le bourrage de crâne qui triomphait dans la plupart des quotidiens et des journaux. On pourrait sauter d'une guerre à une autre et passer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec les deux prix qui ont été attribués à la fin de l'année 1945, d'abord à Elsa Triolet avec Effet rétroactif pour Et le premier accroc coûte 200 francs, prix Goncourt 1944. Ce sont des nouvelles, on avait vraiment envie de la couronner. Ce sont des nouvelles. On avait surtout envie sans doute de faire plaisir à Louis Aragon, qui était avec Jean Paulhan, le patron du Comité national des écrivains, et qui en quelque sorte donnait le la de la vie littéraire de l'après-guerre. Elsa Triolet est à la fois juive et résistante. Elle est à la fois juive et résistante, et en même temps, en effet, si on constate cela, on atténue ce que je viens de dire, c'est pas simplement Louis Aragon, c'est aussi une femme écrivain, et un grand écrivain, même si aujourd'hui on ne la lit sans doute plus beaucoup, et si à la différence de Louis Aragon, elle n'est pas dans la Pléiade. Et puis la même année, on couronne évidemment une deuxième œuvre. D'une certaine manière, les Goncourt veulent montrer, on l'avait évoqué en début d'émission, qu'ils ont tourné le dos à la sombre période de la guerre et à la collaboration symbolisée par Sacha Guitry, par René Benjamin, Jean Ajalbert. La Varande, tous jurés du Goncourt qui ont été mis sur la touche et qui ne siègent plus à la Libération. Benjamin avait été un grand turiféraire du maréchal Pétain. Et de la même manière, l'Académie française a fait sa purge, elle aussi. Elle avait deux académiciens parmi les déchus de la Libération, le maréchal Pétain et Charles Maurras. Évidemment, pas question de les laisser siéger, même si ils ont conservé leur siège. Ils ne sont jamais revenus, effectivement, l'occuper, mais ils ont conservé leur siège. Ils n'étaient pas les seuls, il y a Abel Hermant et d'autres. Absolument. Ça nous éloigne un peu de l'Académie Goncourt, qui, elle, choisit aussi d'élire pour la première fois, de recruter en son sein une femme, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Colette. Colette qui a été très heureuse d'être là et qui en témoigne dans l'archive que je vais vous faire entendre, Jean-Yves Mollier. Depuis décembre, nous revoilà 10 à l'Académie Goncourt. Nous sommes variés, dissemblables avec feu, rebelles à la cohésion. Dorgelès ne perd aucune occasion d'éclater comme un marron sur la braise. Il arrive à Carco de Boudet, alors il se tait. Et il nous prive de son timbre en chanteur de chanteur. La plus jolie voix de la radio. Larguier a l'humeur et la crinière du Lombardin. Il rougit à l'Alexandre. Billy, il sait tout ce que j'ignore. Ne voilà-t-il pas chargé d'une jolie érudition? J'ai beau me poser un vieux garçon, c'est un plaisir encore très féminin que je goûte à être la seule femme des déjeuners Goncourt, entourée d'un aréopage d'hommes. 5, 6, 8, 9 hommes, d'authentiques hommes. Et là, je ne fais rien à l'affaire. Avec des défauts, des séductions d'hommes, il faut voir des caves butées contre l'inconfort d'une table grande comme une aire à blé, ennemie de la confidence et de l'intimité, et tâter de la narine et de la langue les vins et critiquer la cuisson. Il fallait voir Rose Dijon, le bien qualifié, ça joue en pomme d'automne. La mémoire est lui naît à 87 ans. Leur sollicitude qu'ils font discrète, mais perceptible, mais réconfortante, ils ont tous l'air de se souvenir que j'ai été une femme. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'était Colette qui s'exprimait là dans l'émission 10 hommes, un prix de Francine Lelier, le 17 octobre 1953. Elle est interviewée par Francis Carco. Nous arrivons à cette période de l'après-guerre qui connaît, dans l'histoire des prix littéraires que nous évoquons ce matin, Jean-Yves Mollier, des nouveautés intéressantes, parce que se précisent peut-être des stratégies littéraires. Il y a des noms qui émergent en face de Gallimard, qui craint d'être un peu bousculé, des gens comme René Julliard, par exemple. Oui, absolument. Ou comme Dumoncel, ou Marcel Duhamel, du côté de la série noire. Tout à fait. On peut dire qu'entre 1945 et 1948, se joue l'avenir de l'édition française. Un certain nombre d'éditeurs sont nés pendant la guerre. Je pense à Edmond Charlot à Alger. Je pense à Max-Paul Fouché avec la revue Fontaine. Charlot, l'ami de Camus. Et le premier éditeur d'Albert Camus. Edmond Charlot qui vient à Paris à la Libération, bien décidé à faire la peau de Gaston Gallimard et à devenir le Gallimard de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a aussi René Julliard, qui est un personnage plus étrange. Alors Julliard, il a d'abord édité les discours du maréchal Pétain, il a gagné beaucoup d'argent de 41-43, mais sans doute la bataille de Stalingrad l'a-t-elle inspiré, car il n'a eu de cesse en 44 que d'éditer Liberté de Paul Éluard à Monaco, de manière à apparaître en quelque sorte comme un résistant, allez on va dire, de la 11e heure. Pétain, Éluard, voilà. Un certain choc de culture. Oui, ça ne le dérangeait pas, il sera aussi d'ailleurs un peu plus tard l'ami d'un certain nombre d'anticolonialistes et de tiers-mondistes. Il veut qu'on parle de lui, mais c'est un très grand éditeur. Un peu comme Bernard Grasset dans les années 20. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on a souvent comparé René Julliard avec Bernard Grasset. Un condottier, un des premiers à utiliser la publicité à grande échelle. Je pense à Bernard Grasset avec Raymond Radiguet, le Bébé Cadom. Bébé Cadom, parce que Jean Cocteau avait surnommé, Jean Cocteau qui a participé à l'écriture du Diable au corps, appelait familièrement son ami Raymond Radiguet Bébé Cadom. Parce qu'il y avait de grandes affiches pour Bébé Cadom et il y a eu de grandes affiches également pour la première fois pour le livre, effectivement. Exactement. Beaucoup plus tard, on a vu sur les Champs-Élysées, mais peut-être pour d'autres raisons, La Tentation de Venise d'Alain Juppé, mais ce n'était pas vraiment un roman, être affiché abondamment. Mais on pourrait même rappeler qu'en 1958, Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, a décidé de faire apposer d'énormes affiches sur les Champs-Élysées pour annoncer la question d'Henri Alleg, sachant pertinemment que le pouvoir allait tomber dans le piège et allait interdire la question, qui ne s'est jamais aussi bien vendue, évidemment, que parce qu'elle avait été interdite. Alors je reviens au parallèle entre Bernard Grasset et René Julliard. S'il vous plaît. Ce sont effectivement deux éditeurs qui utilisent les moyens modernes et donc qui utilisent la publicité. L'un et l'autre, on l'a dit tout à l'heure, ont essayé de créer également un faux prix. Mais si on se place un peu en amont, en 46 et 48, René Julliard a obtenu deux fois le prix Goncourt. Il obtient des prix Renaudot, il obtient des Femina, il est vraiment l'éditeur dont on parle. Il va s'installer en reprenant les locaux de la maison de Robert Laffont, qui avait démarré lui aussi dans les années 40, en 1942 à Marseille. Il s'installe rue de l'Université, en face évidemment des bureaux de la maison Gallimard, et lorsqu'il obtient le prix Goncourt, il sable le champagne et on dit que ses employés sortent dans la rue pour narguer les employés de la maison Gallimard. C'était très méchant. C'était à la fois très méchant et en même temps, au-delà de l'anecdote, on est bien là dans un climat d'affrontement entre deux stratèges littéraires, évidemment Gaston Gallimard d'un côté avec toute son équipe, toute son écurie, et puis René Julliard. René Julliard, ça évoque immédiatement Françoise Sagan. Bonjour Tristesse. Françoise Sagan, dont il a changé le nom. Elle s'appelait Quarez, ce qui est un nom tout à fait honorable en Bretagne, mais qui, d'après Julliard à Paris, était invendable. Donc, il lui a donné le nom d'un personnage pris à Proust, précisément, le prince de Sagan, et elle est devenue Françoise Sagan, le symbole de la nouvelle jeunesse. Minou Drouet, c'était vraiment son nom ? Alors, Minou Drouet, elle s'appelle Drouet, mais évidemment, Minou est un diminutif affectif. Elle a très mal vécu l'opération qui a été montée, effectivement, par Julliard en 56, lorsqu'il s'agissait, sur la lancée de l'épisode Sagan, d'aller encore plus loin et de prendre une enfant de 10 ou 11 ans et d'en faire, en quelque sorte, la poétesse de l'avenir. Et on peut dire qu'il a été responsable, au fond, de la destruction de la vie personnelle de Minou Drouet. Donc, Maurice Druon, qui a le prix Goncourt en 48 chez Julliard, avec les grandes familles, a au contraire très bien survécu. Absolument. Mais on fait la liaison avec Françoise Verny, que j'ai citée tout à l'heure, car Françoise Verny a commencé à travailler dans l'écurie de Maurice Druon, mais cette fois-ci pour l'écriture non plus des grandes familles, mais de tout ce qui allait être l'histoire de France de Maurice Druon, avec ses énormes livres écrits avec une dizaine de mains, une dizaine de collaborateurs, de nègres. Donc on est là aussi dans l'atmosphère de cette création littéraire d'un côté, les grandes familles c'est écrit par Maurice Druon, et puis les rois maudits, on est dans un tout autre univers. Il s'agit effectivement d'une série écrite par des dizaines de collaborateurs et pour obtenir le maximum de rentabilité. Il y a un épisode intéressant et significatif. C'est le moment en 1951 où le prix Goncourt est attribué à un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « La littérature à l'estomac », qui est précisément très violent à l'égard des pratiques littéraires du temps. Il s'agit de Julien Gracq et du rivage des Sirtes. Écoutez cette archive, ce reportage de Michel Robida qui est chez Drouan le 3 décembre 1951. À l'époque, c'est en décembre qu'on donnait le prix, probablement parce que c'était l'anniversaire du début du journal des Goncourt en 1851. Nous sommes exactement 100 ans après. Michel Robida chez Drouan. Le prix attribué à Julien Gracq. Julien Gracq qui va le refuser. Obstrue la porte ouverte par laquelle Raymond Queneau apparaît. Il va descendre. Il est accompagné de Gérard Boer. C'est une bousculade insensée. Et il est horriblement difficile de le voir arriver, car autour de nous, nous avons les photographes qui reculent pour lui laisser la place. Messieurs, s'il vous plaît. Oh là là là là. Les photographes arrivent. Tout le monde arrive. Voilà le dos. J'ai à côté de moi, d'ailleurs, monsieur Gaston Picard, qui tout à l'heure doit proclamer les résultats du Renaudot. Et voici Raymond Queneau, qui est accompagné de Gérard Boer. Aujourd'hui, 3 décembre 1951, centième anniversaire du journal des Goncourt, notre Académie a décerné son 49e prix au rivage des Sirtes de Julien Gracq par 6 voix au premier tour. Cherchant qui dévorait de Luc Estang a recueilli 3 voix, Madame Deux de Louise de Villemorin, 1 voix. Et maintenant, Gaston Picard, président du jury Renaudot, va annoncer le résultat du prix Renaudot. Le prix Théophraste Renaudot 51 a été attribué à Robert Margerie pour le Dieu nu au 8e tour de scrutin par 6 voix contre 3 à Samuel Beckett Malonne-Meur et 1 à André Guillot L'Horloge. Ont obtenu des voix au tour précédent Pierre Moineau, Marc Blanpin, Vialatte Ponce, Hougron et Françoise Mallet. Cher ami, Raymond Queneau et Gaston Picard, se serrent la main. Pardon, Michel. Attention, Raymond Queneau, je voulais vous demander. Oui, la radio française, je vais vous dire ce que vous pensez de l'attribution du prix et ce que vous pensez de la position de Julien Gracq. Et je n'ai rien à en penser, je n'ai pas à le savoir. Nous avons voté suivant nos convictions et nous n'avons pas à savoir. Il n'y a pas de candidat. Nous ignorons ce qu'un auteur peut penser de ce que nous faisons, de son livre. Enfin, nous avons choisi le meilleur à notre avis. Merci. On peut dire, Jean-Yves Mollier, qu'avec le recul, le choix de l'Académie Goncourt cette année-là, 1951, a été plus ratifié par la postérité que le choix du Renaudot contre Margerie. Et ce qui est intéressant en 1951, c'est que à travers Julien Gracq est couronné aussi un tout petit éditeur, davantage libraire qu'éditeur, José Corti, qui a laissé d'extraordinaires souvenirs qu'il faut lire encore aujourd'hui. José Corti a obtenu un seul prix Goncourt, évidemment, celui de Julien Gracq. Une toute petite boutique rue de Médicis, à côté du Luxembourg. Exactement, la boutique est toujours là. Et le livre s'est très bien vendu, d'ailleurs. Ce qui veut dire que le refus d'un prix littéraire peut être aussi un excellent argument commercial pour le faire vendre. 110 000 exemplaires la première année et plus de presque 130 000 au bout d'un an et demi. C'est là un résultat tout à fait honorable. Évidemment, pour le Renaudot de cette année-là, avoir couronné Marjorie à la place de Beckett, c'est évidemment, ça nous paraît totalement incongru. Mais quand on regarde attentivement les listes, effectivement, d'auteurs qui ont été promus, on ne peut qu'être surpris. Mais de la même manière, quand on regarde les 40 fauteuils de l'Académie française, on se rend compte, comme l'a écrit avec humour un journaliste au XIXe siècle, que c'est le 41e fauteuil, c'est-à-dire celui qu'occupent les écrivains qui n'ont jamais fait partie de l'Académie française, qui est le plus prestigieux, puisqu'on y trouve évidemment Émile Zola et bien d'autres grands écrivains. Rostand s'en moquait déjà dans le début de Cyrano. Vous vous rappelez tous ces noms dont pas un ne mourra que c'est beau. Absolument. En tout cas, cette prédominance de Galli Grasset, comme on dira dans les années 60, en l'occurrence, n'est pas avérée. C'est l'époque où un critique, Raphaël Serin, parlait du fonctionnement selon l'assolement triennal entre les trois. Les journalistes s'étaient amusés à créer ce monstre, effectivement, qui s'appelle Galli Grasseuil en un seul mot, et qui est un mixte, effectivement, de Gallimard, Grasset et les éditions du Seuil. Alors, les éditions du Seuil, elles sont nées en 1937, mais essentiellement, elles ont démarré en 1945 à la Libération. Donc il faut 20 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque c'est 59 le premier prix avec Charles Barthes. Mais les éditions du Seuil ont obtenu énormément de prix Femina et de prix Renaudot. Un peu moins de prix Goncourt, 5 sur le premier siècle d'existence des Goncourt, mais sont devenus effectivement un concurrent très sérieux dans les années 60. Alors de ce point de vue-là, il faut donc faire attention. Oui, la statistique montre la prédominance de Gallimard et de Grasset, mais quand on élargit au-delà du Goncourt à l'ensemble des prix, on voit bien que le Seuil est devenu un acteur important, comme aujourd'hui d'ailleurs, Actes Sud. Il faut constater aussi que de toutes petites structures d'édition, dès le départ, je pense au Mercure de France, José Corti que l'on vient de citer, Édition de Minuit, Paul plus récemment, POL bien sûr, ont obtenu le prix Goncourt. Donc il y a à la fois ce que la statistique nous montre, et puis dans les interstices de la statistique, il se dégage aussi l'idée que les jurés sont capables de promouvoir à certains moments des œuvres et des auteurs qui, effectivement, auraient échappé à la préparation militaire des grandes industries culturelles, bien sûr. Il y a néanmoins une autre donnée qui est à la fin du XXe siècle, c'est l'émergence des prix des lecteurs. On a le goût un peu partout de marquer qu'après tout, au-delà des stratégies éditoriales, peut-être vaut-il mieux faire appel au goût de ceux qui aiment lire. Et je pense en particulier, puisque nous sommes à Radio France, au succès magnifique du prix Inter. À partir de 1975, il est créé par Paul-Louis Mignon. Ce sont des lecteurs qui écrivent à la chaîne pour dire qu'ils seraient candidats éventuellement à être membres du jury, et ça marche très bien. On peut ajouter le prix des lectrices du magazine Elle, et puis naturellement le Goncourt des lycéens. Le Goncourt des lycéens, ça c'est la stratégie d'un des présidents de l'Académie Goncourt. Nourricier. Non, je pense à Bazin avant Nourricier, qui a été un des premiers à essayer de faire en sorte que le Goncourt sorte un petit peu, disons, de la tradition et des habitudes. Il a réveillé Nourricier, a continué. Edmond Charleroux, avec beaucoup de talent, l'a fait également après. Nourricier disait un jour à ce propos que les prix littéraires manquaient de gaieté et de rire, et que c'est pour cela qu'il était content de faire appel à la gaieté potentielle des enfants ou des adolescents. Le Goncourt des lycéens me semble intéressant parce que il s'agit là, effectivement, de jeunes gens qui ont entre 16 et 18 ans ou 19 ans et qui vont pendant toute une année lire un certain nombre de romans et voter entre eux pour primer un auteur. Et les écrivains ont parfaitement compris aujourd'hui que c'est très important d'obtenir, en quelque sorte, la reconnaissance d'un public en train de naître ou d'un public de demain, c'est-à-dire le public des lecteurs de l'avenir. Les lycéens en formation. Mais parmi tous ces prix, au fond, que nous évoquons, il y en a un que peu de gens connaissent et que je voudrais évoquer. Faites. Le Vatican a eu l'étrange idée en 1933 de faire récompenser le meilleur roman anti-bolchévique. Alors évidemment, ça nous paraît tout à fait étonnant aujourd'hui. Il faut se mettre dans ce climat où il y a un anti-bolchévisme, comme il y a évidemment du côté des bolcheviques ou de leurs héritiers, l'Union soviétique, un refus du Vatican et la condamnation de toutes les religions. Le prix dure encore ? Il y a eu pendant deux ans le prix du meilleur roman anti-bolchévique. Un certain nombre de romanciers européens, car c'était un prix mondial, se sont présentés, mais il a fallu trois ans pour couronner le premier prix, et donc c'est en 1936 que l'on a décerné ce prix, et évidemment devant la levée de boucliers de la presse d'ailleurs, y compris catholique, de la part des romanciers, je pense à Mauriac, qui refusait évidemment ce type de prix, eh bien ce prix a été oublié. Il n'a d'intérêt, c'est pour ça que je l'évoque, que de montrer qu'au fond, dans tous les compartiments de la société, dans tous les compartiments de la vie culturelle, sociale, politique, il peut naître l'idée, saugrenue ou non, de récompenser les livres que l'on aime ou de flétrir les livres que l'on n'aime pas. Il y a un autre signe du succès du prix Goncourt, c'est qu'on a commencé d'utiliser cette expression, si je puis dire, à toutes les sauces. J'emploie l'expression à dessein, puisque Émile Faguet critiquait les jurés en parlant de l'académiette, à cause du déjeuner chez Drouin. Il y a eu un Goncourt des camemberts, un Goncourt des supercarburants. Ça paraît absurde ou dérisoire, mais finalement c'est une sorte d'hommage indirect. Oui, c'est un hommage indirect, mais je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup à trivialiser, parce qu'il s'agit quand même, au fond, de ce que nous aimons tous, les auditeurs comme nous autour de cette table, à savoir la littérature. Savoir les romans, les essais, la poésie, les drames, le théâtre, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, a encore un sens, du moins je l'espère. Merci de marquer que cette émission se refuse absolument à la trivialité, vous l'avez observé, avec beaucoup de sagacité. Merci Jean-Yves Mollier. Je cite quelques-uns de vos ouvrages, les autres seront signalés sur notre site naturellement, car ils sont nombreux. L'ouvrage qui s'intitule « Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle » paru chez Fayard en 2008, c'est le frère d'un autre ouvrage qui concernait le XVIIIe et le XIXe siècle paru précédemment. Oui, en 1988, « L'argent et les lettres, l'histoire du capitalisme d'édition ». Et puis le livre de Sylvie Ducas, que vous avez été au jury de sa thèse, qui s'appelle « La littérature à quel prix ? Histoire des prix littéraires ». Qui a été publié à la découverte et qui permet effectivement de faire l'histoire de tous ces prix littéraires. Je voudrais aussi rendre hommage à un livre très original que vous avez publié voici deux ans, Jean-Yves Mollier, qui s'appelle « La mise au pas des écrivains, l'impossible pari de l'abbé Bethléem au XXe siècle ». Là, il s'agit d'autre chose, il ne s'agit pas de promouvoir des livres, il s'agit plutôt de dénoncer leur potentielle lecture. Les deux, c'est ce qui faisait l'intérêt de l'abbé Bethléem, c'est naturellement un censeur, il va de soi qu'il condamne toute la littérature qu'il n'aime pas, mais en même temps, il aime la littérature, et donc dans son catéchisme en quelque sorte, un roman à lire et roman à proscrire, il y a trois catégories de livres qu'il ne faut pas lire, mais il y a trois catégories de livres qu'il faut lire. Et on a parlé de Vallès tout à l'heure, on voit avec surprise qu'il aimait le Vallès de l'enfant et du bachelier, et naturellement, il interdisait la Surgée. Il aimait la guerre des mondes, il aimait la littérature policière. Il ne sanctionnait pas nécessairement les genres sous-littéraires ou paralittéraires. Mais il avait naturellement des œillères abominables. Il détestait Mauriac parce qu'il disait que l'univers de Mauriac sentait le soufre. Je pense qu'il ne se trompait pas véritablement d'ailleurs. Nous allons donc terminer sur Mauriac, un peu à ma surprise, mais c'est très bien ainsi, Jean-Yves Mollier. Samedi prochain, nous parlerons des réfugiés et des apatrides dans l'entre-deux-guerres. Et je recevrai pour cela Zovinar Kevonian, c'est une historienne qui est spécialiste de ce champ. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée, comme chaque samedi, par Patrick Molinier, avec à la prise de son Élise Leu, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.